Bon matin tout le monde, Annie Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 25 juin. Grosse fin de semaine dans le monde du sport et ce sera la même chose la semaine prochaine avec la présentation de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Mais c'était en fin de semaine la Coupe Canada de vélo de montagne et Victor Verroux de Saint-Félicien a très bien fait en signant une médaille d'argent contre la montre hier. Donc il a terminé en deuxième place. Le club vélo 2MAX de Saint-Félicien s'est particulièrement très bien tiré d'affaire lors de cette compétition. L'entraîneur de Victor Verroux, Alexandre Gagné, s'est bien démarqué en remportant la victoire dans sa catégorie, en gagnant avec un chrono de 36 minutes et 8 secondes. Gain aussi dans sa catégorie de Luc Ménard et Justin Coulombe. Deuxième place pour Johan Labaume dans sa catégorie. Mylène Tétrault a également signé une médaille de bronze. Il notons également que Steve Coulombe a aussi signé une médaille d'argent dans sa classe. Chez les 60 ans et plus, c'est médaille d'argent pour Yvan Turgeon. C'était également le Skins Game en fin de semaine au club de golf de Saint-Prime et Kevin Fortin-Simard a encore prouvé qu'il est encore le meilleur golfeur de la région lors de ce Skins Game en remportant la victoire. Il a entre autres devancé Pierre-Alexandre Bédard qui lui a pris le deuxième rang. Notons également que Jonathan Lambert a terminé en troisième place. Et lors du Saint-Prime Open qui se déroulait également en fin de semaine, la formation de Dominique Bouchard a remporté la victoire avec 10 000 points. Rémi Kirkness a terminé en deuxième place avec 5000 points et la formation de Jean Lamotte a terminé au troisième rang avec 1200 points. Notons qu'il y a également eu un trou d'un coup lors de cette fin de semaine. Il s'agit de Gérald Coulombe qui a réussi un trou d'un coup au club au coup numéro 12. Et puisqu'il est question de golf, il y avait l'épreuve du Moulin qui se déroulait à Dolbeau, Mississippi au cours du week-end. Et Junior Junot et sa formation ont remporté la victoire dans la classe A avec avec une carte de moins 22. La formation de Ronald Lafrance a pris la deuxième rang avec un moins 18. En catégorie B, notons que la formation de Serge Moreau a terminé au premier rang avec un moins 18 et la deuxième place est allée avec Christophe Pelchat avec un moins 17. Au Jeux du Québec, la région a récolté 4 autres médailles hier en fin de semaine, soit Anne-Frédéric Drolet, médaille d'or en athlétisme aux 2000 mètres avec un temps de 7 minutes et 39 secondes. Vincent Tremblay a également gagné la médaille d'or au 1500 mètres steeple et médaille de bronze au décathlon pour Raphaël Aubut. En tir à l'arc, notons que Julie Gabriel Gagné a remporté la médaille d'argent avec un total de 241 points, ce qui fait qu'au tableau des médailles, la région a largement dépassé son objectif. On s'était fixé un objectif d'environ une vingtaine de médailles et c'était facilement dépassé. Ils possèdent maintenant 31 médailles, donc soit 7 d'or, 11 d'argent et également 13 de bronze pour un grand total de 31 médailles. Et à noter que ça se termine ce soir, les Jeux du Québec. Et le porte-drapeau pour la région sera ni l'autre que Vincent Tremblay, qui est un athlète en athlétisme. Le sport local et régional, à tendredosport.com.